ont dans leur mémoire leur vie et leur histoire qu'ils nous racontent au coin du feu. Quand on passe les voir pour un baiser le soir, et ça suffit pour être heureux. C'est un endroit calme et tranquille où aimer devient plus facile. C'est comme un doux refuge où l'on vient s'exiler, ou juste pour les embrasser. Ils vivent lentement pour apprécier le temps et compter chacun de nos pas. Ils sont depuis longtemps les parents de maman, aînés de grands-parents à moi. Déposé sur la cheminée, un portrait de nous deux bébés. Les armoires sont anciennes et les lits sont en bois. Toute une vie entre eux et moi. Ils parlent doucement, ils prennent toujours le temps. Et quand on va se promener, on se tient par la main tout au long du chemin. Et on en oublie de rentrer. Ils nous dévorent et nous consolent. Ils nous adorent et nous cajolent. Ils s'inquiètent toujours s'il ne nous manque rien. Et ils font tout pour qu'on soit bien. Ils vivent lentement pour apprécier le temps et goûter chacun de nos pas. Ils sont depuis longtemps les parents de maman et mes deux grands-parents à moi.